Conte de fées en français. La dame et le lion. Il était une fois un marchand qui avait trois filles. Il les aimait beaucoup, surtout sa cadette, Amélia, car elle était sa préférée. Un jour, alors qu'il partait pour un long voyage pour son travail, il demanda à ses filles ce qu'elles aimeraient qu'il leur amène. J'aimerais un bel ensemble de perles brillantes. Et je voudrais un ensemble de diamants étincelants. Cher père, je voudrais un beau rossignol chantant. Très bien, mes enfants. Si je réussis à l'attraper, alors tu l'auras. Il demanda à ses filles ce qu'elles aimeraient qu'il leur amène. Le marchand acheta les perles pour sa fille aînée et les diamants pour sa deuxième fille. Il cherchait partout un rossignol chantant, mais en vain. Cela l'inquiétait car Amélia était sa préférée et il ne voulait pas la contrarier. Son aventure la mena dans une forêt. Il continua jusqu'à qu'il trouve un magnifique château avec un grand arbre à côté. Sur cet arbre était posé un beau rossignol, chantant harmonieusement. Ah, je t'ai juste au bon moment. Monte sur l'arbre et attrape ce rossignol pour ma fille. Alors que le serviteur s'approchait de l'arbre, un lion sauta de derrière l'arbre et rugit si fort que les feuilles de l'arbre en tremblèrent. Qui ose voler mon rossignol? Je vais te dévorer, voleur. Mes excuses, ô puissant lion. Je ne savais pas que l'oiseau est à vous. S'il vous plaît, épargnez-moi la vie. Je vais vous payer un lourd tribut pour mon erreur. Rien ne peut vous sauver, à moins que vous promettiez de me donner la première chose que vous rencontriez quand vous rentrerez chez vous. Si vous êtes d'accord, je vous épargnerai la vie et vous donnerai l'oiseau aussi. Mais, et si c'était mon Amélia? Ne vous inquiétez pas, monsieur. Il n'est pas nécessaire que votre fille soit la première à vous rencontrer. Ça pourrait être un chat ou un chien. Le marchand en fut persuadé. Il prit le rossignol et fit sa promesse au lion et partit pour rentrer chez lui. Sa plus jeune fille, Amélia, courut vers lui et l'embrassa fermement. Après avoir vu qu'il apportait le rossignol, elle fut remplie de joie. Le marchand ne pouvait pas se réjouir et se mit à pleurer. Ma chère Amélia, ça m'a coûté beaucoup. J'ai dû faire une promesse au prince lion que je lui enverrai la première personne que je rencontrerai. Je crains qu'il ne vous déchire quand il vous aura en son pouvoir. Le marchand expliqua tout ce qui s'était passé. Oh, mon père, une promesse est une promesse et elle doit être remplie. Je dois aller au prince lion. Non, s'il vous plaît, il va te tuer. Rien ne peut changer ce qui est écrit dans mon destin. N'est-ce pas ce que tu nous as appris, père ? Le marchand fut pris de court. Ne t'inquiète pas, père. Mon cœur me dit que je vais bien. Et le cœur a toujours raison. C'est aussi quelque chose que vous nous avez appris. Le lendemain, Amélia partit pour la forêt pendant que son père et ses sœurs pleuraient en lui faisant ses adieux. J'espère que le prince Lion sera gentil avec elle et que nous reverrons votre petite sœur. Le lion était en fait un prince enchanté. Le jour, il était un lion puissant, comme tous ses disciples, et la nuit, il se transformait de nouveau en forme humaine. Quand Amélia atteignit la forêt, elle fut reçue gentiment et emmenée au château sur une voiture dorée, conduite par des lions. Quand Amélia entra dans le château, elle fut accueillie par une horde de lions qui lui donnèrent de nombreux cadeaux. Bienvenue, ma belle reine! Je vois que votre père a tenu sa promesse et je suis heureux que vous ayez été les premiers à le voir et à voir comme vous êtes très belle. Je serai honoré de vous avoir comme épouse. Je suis très flattée, mais je ne partage pas votre bonheur car je crains que vous soyez un lion. À ce moment-là, un rayon de clair de lune brillait à travers la fenêtre et le prince lion se transforma comme par magie, laissant un beau prince devant elle. Je suis en fait un prince et nous sommes liés par un enchantement qui fait de nous des lions le jour. Amélia sourit car elle était heureuse et amoureuse du prince lion. Amélia accepta d'épouser le prince et le mariage eut lieu immédiatement avec magnificence. Ils vivaient heureux ensemble, comme les lions, dormant toute la journée et restant ensemble toute la nuit. Un jour, le prince lion se leva vers elle et lui dit « Il y a une fête chez votre père demain, pour célébrer le mariage de votre sœur aînée. Si vous le souhaitez, les lions pourraient vous escorter. » « Ce serait si beau. J'ai hâte de voir mon père. » « Alors j'appellerai les lions immédiatement et ils vous y emmèneront en grande pompe. »« Mais mon prince, je n'irai pas seule. Vous viendrez aussi. » « Ma reine, c'est trop dangereux. Car si même un petit rayon de lumière me touche, je vais me transformer en colombe et je devrai voler pendant 7 ans. »« Ne vous inquiétez pas. » Je m'assurerai de vous protéger et de vous protéger de tous les rayons de lumière. Et c'est ainsi que le prince et la princesse se rendirent au mariage. Le marchand et ses filles étaient heureux à la vue d'Amélia et étaient ravis d'en apprendre sur le prince lion. Ils accueillirent le prince lion avec amour. La princesse fit construire une grande salle avec des murs si épais qu'aucun rayon de lumière ne pouvait pénétrer à travers. C'est là que le lion se retirait lorsque les torches et les bougies étaient allumées. Mais comme le bois était frais, il se fendut, provoquant une fissure si petite que lorsque le cortège de personnes avec des torches et des lumières est revenu au mariage, un petit rayon de lumière de la taille d'un cheveu tombit sur le prince lion. En moins d'une seconde, le prince lion se transforma en une colombe. Quand Amélia revint, elle ne vit rien d'autre qu'une colombe blanche assise là. Pendant les 7 prochaines années, je vais devoir voler. Et à chaque 7e étape, je vais laisser tomber une plume blanche. Et si vous la suivez, vous pourrez me libérer. Princesse Amélia suivit la colombe blanche, comme la plume blanche tombait à chaque 7e étape, pour lui montrer le chemin. Comme les 7 ans avaient presque passé, Amélia avait suivi la piste des plumes blanches sur tout le chemin, sans aucun repos. Oh! Je suis si heureuse que ces 7 ans sont presque terminés. Nous serons bientôt libérés de nos ennuis. Mais il fallut longtemps avant que la princesse Amélia et que le prince soient libres. Un jour, les plumes blanches cessèrent de tomber et Amélia fut inquiète. Un homme ne peut pas m'aider avec ça. La princesse Amélia avait grimpé un arbre et appela le soleil. Oh, soleil, si lumineux que vous brillez! Des vallées au sommet de montagnes, de la terre à la mienne. Savez-vous où je peux trouver ma colombe blanche? Non, petit enfant, je n'ai pas vu de colombe blanche. Mais prends ce petit écrin et utilise-le quand tu es dans le besoin. Merci beaucoup. Princesse Amélia continua et sur la recherche de son prince jusqu'à que la nuit tomba. Quand la lune brilla, elle monta sur la lune et demanda. Oh, belle lune! Tu brilles toute la nuit. Au-dessus du champ et de la forêt. As-tu vu une colombe blanche voler par là? Non, je ne l'ai pas vue. Mais voici un œuf. Ouvrez-le quand vous êtes dans le besoin. La princesse Amélia remercia la lune et continua à chercher le prince. Comme le vent de nuit soufflait, elle demanda. Tu souffles parmi tous les arbres et les feuilles. As-tu vu une colombe blanche voler par ici? J'ai vu la colombe blanche. Elle s'est envolée vers la mer Caspienne où elle a retrouvé sa forme de lion et se bat avec un puissant dragon qui est en fait une princesse enchantée nommée Astéria. Voici une baguette magique. Allez à la mer Caspienne, dirigez-la vers le dragon et dites Abracadabra. Après cela, le lion sera en mesure de maîtriser le dragon et ils retrouveront tous les deux leur forme humaine. Ensuite, vous trouverez un majestueux griffon ailé qui habite au nord de la mer Caspienne. Vous monterez dessus avec votre prince bien-aimé et il vous ramènera à travers la mer. Laissez tomber la baguette magique lorsque vous êtes au milieu de l'océan et hors de lui va immédiatement jaillir de grands arbres qui montreront au griffon les directions pour traverser la mer. Amélia remercia le vent et partit pour son voyage. Quand elle atteignit la mer Caspienne, elle trouva le prince lion et le dragon en plein combat. Elle leva immédiatement sa baguette magique et la pointa vers le dragon. Abracadabra ! La magie de la baguette frappa le dragon qui tomba au sol. Le prince lion mit sa patte sur la tête du dragon et revint immédiatement à sa forme humaine. Le dragon lui aussi revint à sa forme humaine transforma en princesse Astéria. Tout comme ils étaient libres, la princesse Astéria regarda le prince lion et tomba amoureuse. Elle lui jeta immédiatement un sort, prit le prince dans ses bras et disparut comme par magie. Non ! La princesse Amélia pleura pour son prince bien-aimé, mais juste à ce moment-là, une douce brise de vent passa, lui donnant le courage. J'irai où les vents souffleront, et j'irai aussi longtemps que le soleil se lèvera et se lèvera à l'horizon. Je chercherai partout, jusqu'à que je retrouve mon prince. Elle sauta sur le dos du griffon et suivit la direction du vent. Elle continua encore et encore jusqu'à qu'elle tombe sur un château où le vent s'arrêta de souffler. Amélia comprit que c'était là que son prince était. Elle remercia le griffon et entra dans le château. Quand elle parla aux gens du royaume, ils lui parlèrent de la grande fête qui eut lieu pour célébrer le mariage du prince et de la princesse. « Oh le ciel, aidez-moi !» Juste alors, Amélia ouvrit l'écrin donné par le soleil et en sortit une magnifique robe, aussi brillante que le soleil lui-même. Elle cassa également l'œuf que la lune lui avait donné et en sortit une poule en or. Elle entra dans le château vêtue de la robe, portant la poule en or. Tout le monde la regarda avec étonnement, y compris la future mariée. La princesse Astéria fut tellement étonnée par la robe d'Amélia et la poule d'or qu'elle s'avança immédiatement vers elle. « Cette robe est si magnifique! Je voudrais vous l'acheter avec la poule. Vous l'aurez peut-être, mais en retour, vous devez me laisser parler avec l'époux dans la chambre nuptiale ce soir. » La princesse Astéria était hésitante, mais elle voulait la robe et la poule si fortement qu'elle consentit finalement. Plus tard, dans la nuit, elle ordonna au chambellan de donner au prince lion un souffle d'air pour l'endormir. Le prince, qui se trouvait à proximité, entendit quelques murmures et demanda plus tard au chambellan de quoi il s'agissait. Le chambellan avoua au prince qu'on lui avait ordonné de glisser un souffle d'air dans son verre pour l'endormir, alors qu'une pauvre fille devait être dans la chambre avec lui cette nuit-là. « Versez la boisson et gardez-la près de mon lit. » Cette nuit-là, quand la lune brillait, la princesse Amélia fut emmenée dans la chambre pour parler avec le prince. Le prince lion, quant à lui, faisait semblant de dormir. « Au cours des 7 dernières années, je vous ai suivi pendant que vous voliez autour du monde. J'ai été au soleil, à la lune et aux 4 vents pour vous chercher. Je vous ai aidé à maîtriser le dragon. M'oublierez-vous maintenant ?» Il reconnut immédiatement la voix de sa chère épouse. « Pour la première fois, je suis vraiment libre, car tout cela a été comme un rêve. La princesse Astéria m'avait jeté un sort, me laissant oublier mon amour. Mais votre amour m'a béni et brisé ce sort. Oh, mon prince, je suis allée aux extrémités de la terre pour vous trouver. Comme je suis contente de vous récupérer. Dépêchez-vous et sortons de cet endroit avant que la princesse enchantée ne nous trouve. Le prince et la princesse se faufilèrent discrètement hors du château, car ils craignaient que la princesse Astéria puisse les attraper. Ils chevauchaient le griffon qui les porta sur la mer Caspienne et les déposa à leur château dans la forêt. Quand ils arrivèrent à la maison, tous les lions retrouvèrent leur forme humaine et se réjouirent. Le prince lion ne put jamais remercier la princesse Amélia autant. Il l'aimait beaucoup, car c'était sa détermination et sa volonté qui lui avaient finalement provoqué le bonheur dans leur vie.